Faut bien qu'on passe pour des cons, des vagues de regards indifférents. Et même si on joue des airs de vaudou, si ce n'est pas connu, ils ne seront pas au courant. Parce qu'on existe, qu'on fait notre musique comme d'autres groupes connus. Et on existe et on s'apparaît. Surfing in the bar. L'émotion commune est souveraine. Comme un air alléchant, proposons nos étreintes. De nous parce qu'on existe, on fait notre musique comme d'autres groupes connus. Et on existe et on surfe avec vous. Surfing in the bar. Surfing in the bar. Surfing in the bar.